Vous écoutez rmiinfo.com. Regarde ailleurs avec Saïdouan. Bonsoir et bienvenue dans Regarde d'ailleurs, l'émission consacrée à la Mauritanie et sa diaspora. Avec au sommaire de Rimactu, après la dénonciation de l'injustice, le groupe de rap Ouled El Blad fait appel à la radio. Pour qui roule Mesroul Bekhair, le leader de l'APP ne serait pas totalement contre la modification de la constitution. Rime croisée, une nouvelle émission de rap et des cultures urbaines débarque sur rmiinfo.com. Vous ferez connaissance avec son présentateur dans un instant. Seta Camara nous rejoint dans un instant justement pour développer ses titres. Bassoulay et Nadal Wakaf sont sur le plateau. Ensemble, nous recevrons Ibrahima Diabakaté, le président fondateur de NX Vision. Cette jeune start-up veut aujourd'hui révolutionner notre rapport à l'argent. Elle propose une solution de paiement dématérialisé et de transfert d'argent par SMS. En quoi cette innovation va-t-elle simplifier la vie des migrants, notamment pour l'envoi d'argent en Afrique? Quel sera l'apport de cette innovation dans l'économie solidaire? Ibrahima Diabakaté, lauréat du prix Réseau Entreprendre du Val-de-Marne, répond à nos questions. On fera également un détour par la toile. Ce sera l'actu des réseaux sociaux avec Amadou Khan. Vous connaissez la formule, chers auditeurs. Vous pouvez réagir sur la page Facebook de Regarde d'ailleurs, Regarde d'ailleurs sur rmiinfo.com, mais aussi avec le hashtag RA. C'était le sommaire de ce numéro de Regarde d'ailleurs. Tout de suite, place à l'actu rime avec Seta Camara. Seta, bonsoir. Bonsoir. Le groupe Ouled El Blad a saisi la radio. Alors, le site Taradoumi a rapporté que le groupe de rap Ouled El Blad a entamé des consultations à Dakar auprès des organisations des droits de l'homme pour dénoncer la présence sur le sol sénégalais du commissaire Mohamed Ould Nejib, qui est l'un des tortionnaires. La plainte a été déposée par un des leaders du groupe ISAC, qui aurait saisi la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Une organisation qui, depuis 10 ans, s'investit dans la promotion et la protection des droits de l'homme au Sénégal et en Afrique. Cette plainte intervient quelques mois après l'arrestation et l'emprisonnement d'un membre du groupe, Hamada, accusé justement de trafic de stupéfiants et d'atteinte aux bonnes mœurs. Les observateurs attribuent l'acharnement de l'État contre le groupe Ouled El Blad suite à la large diffusion de leur opus Guyem Dégage, dans lequel ils fustigent le régime de Mohamed Ould Abdelaziz. Le commissaire Mohamed Ould Nejib est connu pour les tortures et les sévices physiques qu'il inflige aux personnes qu'il arrête. En 2009, le président de SOS Esclaves, Boubacar Ould Massoud, avait déposé une plainte internationale contre Ould Nejib suite à une agression et atteinte contre l'intégrité de sa personne. Mais toujours d'après Taradoumi, la plainte fut retirée après un arrangement à l'amiable. Mesoud Ould Boulkhair, pas tout à fait contre la modification de la Constitution. La convergence de QPAD, Unité pour une alternance pacifique et démocratique, constituée des partis APP, Wiam et Sawab, a tenu à travers la voix de son président sortant, Massoud Ould Boulkhair, à rappeler ses positions sur les modifications constitutionnelles, objet depuis quelque temps de toute rumeur dans le pays. Dans un communiqué, le QPAD écrit, je cite, « Dans le principe, la QPAD est fermement opposée à tout changement de la Constitution dans ses articles 28, 26 et 29. Néanmoins, si la volonté des participants au dialogue s'exprime par consensus en faveur des modifications constitutionnelles, elle ne peut que les approuver dans ces conditions seulement. » Fin de citation. On passe enfin à notre dernier titre de la musique pour finir. Oui, on finit ce Rime Actu en chanson avec Rime Croisée, qui est le nom d'une émission hip-hop qui verra bientôt le jour sur rmiinfo.com. Youssouf Diop, alias Youssouf Shady, qui est le présentateur, est sur notre plateau. Youssouf, bonsoir. Alors, vous allez animer une émission intitulée Rime Croisée, consacrée au hip-hop et aux cultures urbaines sur rmiinfo.com. Quel est le concept de cette émission? Alors, Rime Croisée a comme concept éduquer, divertir et informer. Éduquer dans le sens où le hip-hop en 2015 a pris une autre dimension, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on voit des rappeurs qui animent des conférences ou même qui donnent des cours dans des universités telles qu'Akhenaton ou Lino, tout récemment à Paris 8. Donc, éduquer, informer, comme nous sommes à la radio, donc on part de là pour donner des informations sur les artistes mauritaniens qui résident en Europe, France, Belgique, Italie, entre autres, et divertir Le hip-hop, on le sait, donc voilà, c'est une musique de divertissement entre la danse, le DJing et le beatmaking. Ok, l'émission sera en forte interaction avec une rubrique sur rmiinfo.com et une page Facebook également qui a été créée. Que trouve-t-on sur ces différentes plateformes et pourquoi ce choix? Alors, sur la plateforme du site, il y aura la rubrique, bien sûr, qui contiendra des articles, des chroniques et nécessairement un calendrier, c'est-à-dire un agenda où nous mettrons, c'est-à-dire la sortie des albums, des clips et des concerts également. La page Facebook, c'est plutôt un relais. En fait, à partir de la page, on essaiera de partager toutes les infos qui contiennent sur le site. Alors Youssouf, on sait déjà qu'il y a pas mal d'émissions sur le hip-hop qui existent, notamment des émissions en web radio. Qu'allez-vous apporter en plus ou de nouveau? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, donc ce qu'il y aura de nouveau dans Rime Croisée, ce sera d'abord les chroniques et les articles. En fait, dans les autres émissions, c'est plutôt un invité qui est là, qui est en train de parler de ses activités et tout, contrairement à moi qui fais des chroniques et des articles. Notamment des entretiens, il y aura pas mal de rubriques, je peux en citer deux. Donc il y aura la rubrique Appel croisé, qui sera suivie d'une autre rubrique qui s'appelle 5 raisons. 5 raisons, en attendant de découvrir ça, on fait connaissance avec le public. Quelle sera la place du public dans l'émission Rime croisée? Effectivement, le public aura comme place à partir du réseau social, c'est-à-dire le Facebook, notre page Facebook, où on leur donnera la chance en fait de participer, de donner leur avis. En gros, ça dépendra d'eux. Tout dépendra de cette page en fait, de le public à partir du page qui va nous. De ce que nous dirons. C'est à. Ok. On sait déjà que le prochain invité sera Yimbi Kouma, qui est un grand rappeur mauritanien. Est-ce que vous pouvez nous donner le ton de la prochaine émission qui, pour rappel, aura lieu le 6 juin 2015 sur rmiinfo.com? Entre mes deux rubriques, c'est-à-dire Appel croisé et 5 raisons, je pense que le ton sera décontracté et sérieux. C'était Rime Actu avec Seta Camara, Seta que l'on retrouve en fin d'émission pour le questionnaire. Notre invité Ibrahim Ayabakate nous parle dans un instant de son entreprise NX Vision qu'il a créée en France. Mais tout de suite, voilà le son qui a valu moult déboires à leurs auteurs. On en parlait dans un instant. Voici le Vlad Blad dans Guillaume. قيم سابق توحل شاك عنك بطل وانت تقول ولا تفعل قيم عنا ما ندروك سمسار ميكانيسيان رجل اعمال وصورتك تطلق وتوكل وانت منا متمول ثروتنا شور الخارج تحول الشعب يريد اسقاط النظام قيم الشعب يريد اسقاط النظام فقرا عنده سواسوس على الشعب لا تكذبوا ثروتنا تلقوا العدل فروسكم من الله ما طبعتوه هذا ردوا يبردوا حد ما سلح ولده بس من حاله يقد سلح بلده نحن لمن العدل بالسرق جريمه بالحبس تسرقوا حرام على الناس حلال الناس ما يستفاد من حكمه ما واخوته اصحابه ناس واهله والله حد مصفق له قدره هادور يعدلوا اللي نزقل فيهم ربحوا رجعوا له صفقات الدوله لاقرباء وشوفوا خداعه وحر باعوا رجال الاعمال خدهم بصبع Vous écoutez Regarde d'ailleurs sur rmiinfo.com dans un instant, le questionnaire. Juste avant, Amadou Kane nous parle de l'actu des réseaux sociaux. Tout de suite, place à notre invité, le start-upper mauritanien Ibrahim Ayabakate. Ibrahim Ayabakate, bonsoir. Ibrahim Ayabakate, vous êtes mauritanien. Après votre baccalauréat, vous avez vécu en Algérie et en Chine. Aujourd'hui, vous vivez en France où vous avez créé l'entreprise NX Vision. Que propose très concrètement cette entreprise? D'abord, bonsoir et merci à vous. Je pense que l'initiative, elle est louable, votre initiative de créer une radio qui va permettre de donner la voix à la diaspora. Je tiens merci. D'abord à vous remercier pour ça. Par rapport à votre question, donc, que propose Next Vision? Donc, Next Vision essaie de développer un concept qui est bâti autour du paiement mobile pour favoriser le paiement et le transfert dernier kilomètre via le mobile. Ok, quand vous dites transfert et paiement, c'est-à-dire que la personne peut payer directement avec son téléphone portable. Je le précise pour nos auditeurs, mais pourquoi ce nom, Next Vision? Moi, je disais NX Vision. Voilà. Alors, donc, effectivement, on va avoir un produit qui va s'appeler prochainement AlterCash pour la partie paiement. NX Vision, pour dire que NX, qui veut dire la variable, l'inconnue, donc c'est de donner la vision à la complexité. Ok, une vision de la complexité, donc une vision, disons, plus plurifaciale. Parlons un peu du financement de votre entreprise. Vous avez recouru à un moment donné à du crowdfunding, c'est-à-dire le financement participatif. Vous pourrez nous en dire un peu plus? Comment est-ce que ça s'est passé? Vous avez récolté quoi exactement? Donc, effectivement, donc, Next Vision a été lauréat d'un ensemble de financements qui nous ont permis de pouvoir démarrer. Et entre autres, le crowdfunding. Le principe du crowdfunding, c'est de permettre au peuple, à la population, au public, de pouvoir financer un projet. Et donc, il y a différents modes de crowdfunding. Donc, nous, avec la philosophie que nous avions, c'était de pouvoir permettre un ensemble de Mauritaniens, mais surtout un ensemble de la diaspora, en tout cas, toute personne intéressée au projet de Next Vision, de devenir actionnaire. Voilà, donc c'était une prise de participation dans le capital et ça nous a permis de lever 30 000 euros. 30 000 euros qu'on va rajouter au prix également que votre entreprise a eu du réseau Entreprendre de Val-de-Marne. Ce prix, cette solidarité que vous avez vue, est-ce que c'est la chose que vous essayez vous aussi de revendre, en tout cas de partager avec d'autres à travers votre entreprise? Le projet Next Vision par nature est parti de la solidarité. Effectivement, c'est la solidarité des migrants, parce que le fait de transférer de l'argent, déjà, c'est de la solidarité. Je pense que l'économie sociale et solidaire est innée pour nous. Donc, c'est ce que j'ai toujours dit. Donc, le projet, effectivement, bon, j'ai été lauréat, non pas parce que l'entreprise est solidaire, mais en tout cas, le projet, il est solidaire. Pour répondre à votre question, effectivement, c'est des dispositifs qui ne sont pas là que pour l'entreprise solidaire. Donc, c'est Réseau Entreprendre finance un ensemble de n'importe quelle entreprise. Et en fonction, effectivement, de l'activité de l'entreprise, moi, j'ai été double lauréat de Réseau Entreprendre et avec un label Entreprise solidaire. Bravo pour tous vos prix. Mais aujourd'hui, concrètement, qui sont vos clients qui utilisent le service Next Vision? Ben vous. Donc, effectivement, le Next Vision, c'est encore un projet, c'est une start-up. Hein, donc, les premiers financements ont permis de mettre en place une solution test qui est déjà en phase test. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de milliers d'euros de transactions qui sont réalisées. Il y a à peu près 250 comptes qui sont ouverts. Donc, les clients, c'est des petites transactions et notamment les associations. J'ai quelques associations qui utilisent pour faire les paiements de leurs cotisations. Et donc, ça a permis de faire une phase test. Et la prochaine étape, ça va être la partie transfert. Oui, on est en train de parler depuis tout à l'heure de solidarité, éventuellement d'économie solidaire. C'est-à-dire que vous nous dites concrètement que les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, ils peuvent, rien qu'avec un numéro de téléphone, cotiser comme participation dans une association. C'est ça? Voilà, donc le principe de Next Vision, au-delà de pouvoir faciliter effectivement et réduire les coûts, à travers, comme vous venez de dire, de pouvoir payer à n'importe où au final, et que ce soit sa cotisation, que ce soit... on sait très bien que nos associations communautaires, par exemple, la collecte des cotisations, c'est se déplacer en réunion une fois par mois. Et donc, on a cette réduction des coûts de trajet, cette réduction. Mais au-delà de ça, Next Vision, ce qu'il sait faire à travers le paiement dématérialisé, c'est de pouvoir favoriser l'impact des transferts. C'est-à-dire qu'au-delà juste de transférer l'argent, l'objectif, c'est d'accompagner les associations, d'accompagner les porteurs de projets à pouvoir faire en sorte que l'argent puisse arriver au dernier kilomètre en réduisant les intermédiaires et qu'à ces derniers kilomètres, puissent payer directement les acteurs économiques. On rappelle quand même que les solutions de paiement mobile existent notamment en Afrique, au Kenya, depuis 2006, je crois. Juste tout de suite, on va parler de l'économie solidaire, vu que votre démarche elle s'inscrit quelque part dans cela. Nadal Waqaf, c'est quoi déjà l'économie solidaire avant d'en venir à votre question? Alors, bonsoir, Ibrahim Diabakate. D'abord, l'économie solidaire, désigne une manière d'entreprendre qui place l'être humain et non le profit au centre de l'activité économique. Donc c'est une économie de proximité qui est soucieuse des coûts sociaux et environnementaux. Donc je rappelle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, votre invention NextVision a pour but de promouvoir cette économie solidaire, notamment en Afrique. J'aimerais savoir, Ibrahima Diabakété, votre système de transfert de fonds NextVision, est-ce qu'il est ajusté en fonction du type de consommateur, c'est-à-dire est-ce que vous proposez des tarifs réduits, par exemple, en fonction des revenus des ménages? Alors, d'abord, NextVision ne se positionne pas en société de transfert d'argent. Donc, la solution des paiements n'est qu'un outil. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir accompagner l'usage des fonds transférés. Donc, effectivement, en termes de coûts, on va être compétitif, mais au-delà des coûts, c'est l'impact socio-économique que nous voulons privilégier. C'est-à-dire qu'on va pouvoir permettre, par exemple, à une communauté de pouvoir, on prend un village dont les ressortissants envoient chacun 150 euros par mois. En passant chacun par un intermédiaire, chacun paye à peu près 10 à 15 euros des frais intermédiaires. On va pouvoir mutualiser pour leur permettre de pouvoir faire un transfert groupé, ce qui va déjà permettre de réduire les coûts. Et on va permettre de payer directement les acteurs économiques locaux, c'est-à-dire un marchand local, une coopérative locale. Donc on n'est plus dans une logique des pires transferts d'argent. L'objectif, c'est de faire en sorte que les transferts d'argent puissent créer de l'activité économique locale. Oui, on va parler de la faisabilité très concrète de votre création. Comme vous le dites, créer une sorte de plus-value locale maîtrisée par les communautés villageoises ou associatives. Basulé? Moi, ma question, elle s'articule ainsi. Donc, elle aborde par rapport à ce que vous venez de soulever tout à l'heure concernant les transferts d'argent, qui sont souvent informels, et ce qu'on appelle souvent l'économie souterraine. Et je voudrais savoir comment vous allez vous positionner face déjà à la concurrence qu'on sait déloyale qui existe dans le transfert traditionnel comme Western Union et tout, et comment vous pouvez faire pour que votre projet soit faisable et soit applicable à l'échelle communautaire. Très bonne question. Effectivement, c'est pourquoi le nom NextVision, qui veut dire donner de la vision à la complexité. C'est-à-dire que ce que nous souhaiterons promouvoir, c'est effectivement une autre vision de la solidarité qui n'est pas que de la subsistance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien que nos communautés en Afrique de l'Ouest, on est très solidaires en termes d'envoi d'argent, mais je ne pense pas que ça puisse favoriser le développement économique local et que ce n'est pas la solution qui, de toute façon, aujourd'hui, l'actualité est là pour nous montrer. Ce n'est pas l'immigration qui va permettre le développement. Donc, je pense qu'il faut trouver d'autres modes de développement. Et donc, le modèle de NextVision, c'est effectivement de favoriser, de promouvoir un modèle de développement basé sur notre organisation, notre mode de vie quotidien. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, quand on prend... comme vous venez de dire, par rapport à la concurrence, les différents acteurs qui existent sur le marché. Effectivement, NextVision se positionne différemment de ces acteurs pour la simple raison qu'on n'est pas un acteur qui essaie de capter les flux des migrants pour faire une activité économique. On est un acteur qui essaie d'accompagner les besoins des migrants pour favoriser l'accès, réduire déjà, donner plus d'impact à cet argent-là qui est envoyé, au-delà juste de faciliter l'envoi, c'est de leur permettre une sorte d'éducation financière, c'est de promouvoir une autre façon d'utiliser cet argent pour que ça puisse créer de la plus-value localement. D'accord, mais quand on sait les mentalités de nos concitoyens ou de l'immigré de manière générale qui est parti de son pays à un autre pays pour pouvoir contribuer à l'émancipation ou au développement à la petite échelle de sa communauté, que ce soit la famille de manière très réduite et de manière générale la grande famille. Mais comment est-ce que votre projet a été accueilli? Est-ce que ça ne soulève pas quelques doutes d'une personne qui veut créer une start-up qui, déjà, je suppose que vous travaillez avec des gens qui n'ont pas souvent des études très poussées pour comprendre ces enjeux-là. Justement, c'est que quand on parle d'innovation, bon, vous avez créé d'invention, j'ai pas inventé le système de paiement mobile. Oui, effectivement. On l'a compris. On parle donc NextVision ne cherche pas à être dans le conformisme, effectivement. C'est-à-dire que comme c'est pas seulement notre communauté, l'innovation bouleverse, elle fait peur, et toute innovation rencontre des réticences. C'est normal. Et il faut arriver, par contre, à faire en sorte que l'innovation rencontre son marché. Donc, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est aussi de la pédagogie. C'est de pouvoir faire comprendre que ce n'est pas parce qu'on a fait toujours comme ça qu'il faut continuer à faire comme ça. Effectivement, bon, ce n'est pas toujours évident. Aujourd'hui, la solution qu'on a optée pour, elle est facilement accessible parce que le mobile est devenu un outil quasiment accessible à n'importe qui. Et donc, sur la base de cet outil-là, on va pouvoir dire, ce n'est pas autant le paiement ou le transfert qu'on va essayer de promouvoir, ce n'est pas ça. C'est ce qui est derrière, c'est-à-dire qu'est-ce que la plus-value. C'est qu'aujourd'hui, quand on va aller travailler, on est obligé de faire un CV, on est obligé d'ouvrir un compte bancaire. Ce n'est pas toujours évident pour quelqu'un qui vient du bled, qui n'a jamais ouvert un compte bancaire, qui n'a jamais... Mais quand on a vu la nécessité, on s'y met. On s'y fait facilement. On s'y fait, voilà. Donc le principe, il est aussi simple qu'acheter une carte de téléphonique, Ribara ou Lika, pour appeler l'Afrique. C'est le même principe, on va acheter un crédit et puis on va créditer son téléphone, on va téléphoner. C'est le même modèle. Ok, ce modèle quand même, comment dans la réalité et concrètement, une personne lambda, un Mamadou qui veut envoyer de l'argent à Bababé, il fait quoi? Comment est-ce que ça va se passer? L'opération technique. Et à Nouakchott, est-ce que la personne, il faut qu'il y ait par exemple un compte bancaire ou bien il y a un guichet où la personne pourrait recruter? Je ne sais pas si c'est exactement fait ou bien qu'est-ce que vous envisagez de faire? Alors, ça, c'est une très bonne question. Donc, vous me donnez l'opportunité de faire un appel à tous les Mauritaniens et toute la communauté, d'ailleurs, diaspora, qui souhaiteraient soutenir ce projet. C'est-à-dire, le concept du projet est simple, c'est de dire que la mutualisation peut nous permettre de faire de l'impact. Nous cherchons à faire en sorte que nos synergies puissent se retrouver pour qu'on puisse avoir plus d'impact socio-économique dans nos pays d'origine, mais aussi bien ici. Et pour le Mamadou, répondez à ma question, s'il vous plaît. Et donc, pour répondre à votre question, effectivement, faire en sorte, concrètement, donc ça va passer par des étapes. Donc aujourd'hui, la première étape, c'était de pouvoir avoir la solution qui soit opérationnelle ici. Par la suite, il y a des contraintes techniques et réglementaires qui passent par des partenariats. Donc nous sommes en phase de partenariats, donc je ne pouvais pas trop m'avancer là-dessus. Et donc, une fois ces partenariats établis, ceci va permettre effectivement de pouvoir faire du transfert. Mais le principe est très simple, c'est-à-dire que je vais pouvoir envoyer à Mamadou à Bababé. Donc, il suffirait de mettre le numéro de Mamadou, le montant à transférer. Il reçoit un SMS comme quoi il a eu de l'argent. Et puis, il va y avoir un partenaire réseau, soit le marchand local. Et Mamadou va se présenter là-bas avec son numéro même de téléphone. Si, même si ça se fait déjà? Vous innovez pas dans tout. Tout à fait. On n'invente rien. C'est ce que j'ai dit. C'est que c'est pas que la solution n'existe pas, mais la solution n'est pas accessible. Après, derrière, donc, on n'a pas inventé le paiement mobile. Et justement, ce qu'on va inventer, par contre, c'est rendre ce service accessible à notre communauté. Ok, on a parlé des communautés d'ailleurs, et puis des communautés rurales au Niyé. Nada. Je voudrais juste que vous nous éclairiez les liens que vous voulez mettre en évidence entre le développement rural et l'invention NextVision, par exemple. En quoi cette invention pourrait servir le développement rural en Mauritanie, sachant que dans cette zone, le taux d'analphabétisme est très élevé et les gens ne sont pas capables de, justement, d'utiliser la nouvelle technologie? Comme j'ai dit, NextVision se voit un outil d'éducation et de pédagogie. D'accompagnement. Le principe est simple, c'est-à-dire que quand on va, ce qu'on essaie de mettre en place à travers cet outil-là, donc l'accompagnement, le développement local, comment on va le favoriser, c'est de pouvoir permettre par exemple à une association qui veut construire une école, de pouvoir dire, plutôt que de transférer de l'argent pour aller acheter les prestations localement, on va pouvoir depuis ici payer les prestataires. Vous avez besoin d'acheter du ciment, donc on va avoir un partenariat d'un marchand qui vend du ciment. On va avoir le maçon qui va construire. Donc, l'association va pouvoir collecter ses cotisations depuis ici et va pouvoir payer directement le maçon ou le commerçant qui va livrer le produit. Donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir tout le monde qui va utiliser. Donc, on va passer par des relais qui vont être, en gros, les relais qui vont matérialiser le dématériel. Donc, le marchand, il va être payé par environnement bancaire, mais c'est un marchand, donc ce n'est pas un problème pour lui. Donc, il est en zone rurale, mais quand il va se ravitailler, il va en zone urbaine. Et quand il va en zone urbaine, il peut faire son retrait. Il va être notifié qu'il a été payé sur son téléphone, mais il n'a pas besoin d'avoir l'argent sur son... C'est comme en France, on a son salaire qui tombe sur son compte bancaire. On n'a pas forcément besoin d'avoir l'argent. Aujourd'hui, on ne paye personne en France en espèces. Quand on travaille en France, la réglementation interdit qu'on paye un salaire en espèces. Donc c'est le même principe. Le prestataire, il va être payé directement. Et le bénéficiaire, il reçoit le produit ou le service. Donc vous proposez des politiques d'intelligence économique aux associations directement? Voilà, donc c'est le projet, c'est comme je dis, on accompagne, enfin notre objectif c'est de pouvoir accompagner les projets des migrants. Donc les projets que ça, donc l'outil n'est qu'à nous, on part du principe que le cash, avec le cash on ne peut pas favoriser le développement économique. Parce qu'avec le cash, les risques qu'il y a autour des cash, aussi bien risque de vol, risque de perte, mais aussi les coûts qu'il y a. Aujourd'hui, transférer de l'argent en espèces, je vais à l'aéroport, aller à l'aéroport Orly pour confier 1 500 € à quelqu'un. Qu'on ne connaît pas forcément. C'est perdre 3 heures pour aller, 3 heures pour retourner. 1 heure en France, le SMIC, c'est 9 €. Donc 3 heures, c'est 27 €. 6 heures, ça nous fait 54 €. Donc on perd 54 € pour aller envoyer... 1 500, avec le risque que derrière, il faut téléphoner pour trouver un correspondant qui va récupérer cet argent. Derrière, il faut attendre les délais de mise à disposition, avec les risques que l'argent... Donc, nous, c'est tout ça pour dire que tous ces coûts-là, si on fait en sorte que ces coûts puissent arriver là-bas et monétiser. Et c'est là où on va faire, effectivement, du développement économique. D'accord. Moi, si j'ai compris, vous devez travailler avec à la base avec des gens qui sont solvables. Financièrement? Non, pas forcément. Solvable dans quel sens? Dans le sens où ils ont de l'argent, où le circuit peut aller d'ici jusqu'en Mauritanie ou au Mali, disons, ou à travers qui passent déjà sur des personnes ici en Europe qui ont des moyens, qui envoient de l'argent, des regroupements de personnes, souvent, la plupart, et qui vont travailler avec des commerçants ou des associations. Donc, des individualités, ce n'est pas votre cible, de manière générale. Si. Au fait, la solution, il y a 3 dimensions dans notre rapport. Comme j'ai dit, c'est un modèle qu'on développe, ce n'est pas une invention, effectivement. Et donc, il y a une partie où, on va dire, on travaille sur tout ce qui est une plateforme technique qui va permettre de pouvoir dire comment, avec les solutions numériques qui existent aujourd'hui, on va pouvoir les rendre accessibles à notre communauté et faciliter la vie de nos communautés. Derrière, on va travailler sur tout ce qui est la dimension accompagnement, l'affectation des fonds. C'est-à-dire qu'au final, quand on envoie l'argent, pourquoi on l'envoie? Donc, on n'a pas besoin d'être seul, n'importe qui, pas forcément. Mais en tout cas, les personnes qui envoient de l'argent aujourd'hui, ce n'est pas des gens qui sont millionnaires. C'est des gens qui gagnent juste entre 800 et 1 500 € et qui envoient en moyenne entre 150 et 300 € tous les mois en Afrique. Parce que tout simplement, je suis de cette catégorie-là. Je suis villageois, je suis de Wompou. Mes parents ont été toujours des migrants. Donc, j'ai 3 oncles qui ont été des migrants. Les 2 sont retraités. Et toutes les fins du mois, depuis 2006 que je travaille, c'est entre 150 et 250 € par mois que j'envoie tous les mois, régulièrement. Comme on est dans la ruralité, Seydou, j'ai sous les yeux une revue qui s'appelle Baromètre de la faim. C'est la 4e édition. Et là, ils font la promotion de ce qu'on appelle l'agriculture familiale. On découvre qu'à travers ces entreprises familiales, on peut développer en quelque sorte l'épanouissement humain. Est-ce que vous allez contribuer en quelque sorte à soutenir les entreprises familiales qui veulent développer une agriculture quelle qu'elle soit? Mais c'est comme je disais, c'est que moi c'est ça, je suis directement concerné. Moi je suis un fils de paysan, de cultivateur. Je suis premier enfant de ma famille à avoir fait des études supérieures. Et c'est mon quotidien d'accompagner ce type d'entreprise avant même de créer une exhibition. Moi je suis très impliqué dans le milieu associatif. J'interviens dans les dispositifs d'accompagnement comme les organismes, les ONG qui accompagnent au montage des projets des migrants. Donc j'aide les associations à monter des projets pour trouver des financements et donc à la mise en place de leurs projets. Et c'est que le constat, une des dimensions des négligences, c'est justement ça, c'est de faire en sorte que ces projets-là puissent avoir un réel impact. Quand on voit, par exemple, le nombre d'écoles qui sont construites dans nos pays, les dispensaires et des dispensaires, les forages. Mais derrière, quand on voit l'impact que ça, on a des dispensaires qui sont construits et on n'a pas de personnel ou on n'a pas de pharmacie, on n'a pas de médicaments. Donc on a les murs qui sont là, on a le personnel éventuellement qui est là, mais qui n'a pas d'équipement. On a la pharmacie qui est là, il n'y a pas de médicaments. Et à côté, dans le même village, il y a au moins 30 à 40 000 euros tous les mois qui arrivent dans ce village. Et on arrive, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Donc on se dit, à un moment, est-ce qu'il n'est pas temps de se poser et de dire, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Est-ce que vous n'agissez pas, en quelque sorte, de la spéculation à la spéculation? Parce que quand on vous écoute parler, on a l'impression que vous avez, vous, une vision, mais que derrière, vous avez encore quelques lacunes, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à faire comprendre à votre public que ce projet, c'est-à-dire que l'argent qu'on envoie en Afrique peut servir sans pour autant qu'on le voit en liquidité. Ça a ajouté un peu quand même à la spéculation. Non, pas comme vous disiez, il y a deux aspects. D'abord, on est sur un projet innovant, donc on ne peut pas se permettre de tout dire et de tout dévoiler. Il y a cette première dimension. Deuxième dimension, comme je dis, on est dans un projet de pédagogique. Donc effectivement, l'idée, ce n'est pas de bousculer les mentalités ou de dire tout ce qui s'est fait, c'est nul. L'idée, c'est au contraire s'insérer dans le mode de fonctionnement et montrer en quoi on va faciliter les choses et on va apporter autrement. Comme j'ai dit, moi, j'accompagne des associations, je mets en place des projets. Et ce que je constate, c'est qu'il ne suffit pas de dire on va creuser un puits, mais il faut dire, avant de creuser un puits, comment on va faire en sorte que ces puits-là puissent être rentables. Et souvent, c'est ce qui manque à nos projets. Donc, au-delà d'apporter la solution, nous, ce qu'on va apporter à travers les projets qu'on accompagne, c'est de pouvoir aussi faire en sorte que ces projets puissent bénéficier d'expertise nécessaire. Et donc, quand vous disiez tout à l'heure par rapport à votre question que le projet s'adresse à des groupements et pas à des... À des individualités. Pas forcément. C'est-à-dire que nous, l'objectif, c'est ça. On essaie de faire une plateforme mutualisée. C'est-à-dire que on peut être individuel, mais au final, nous, on fait en sorte que la mutualisation, parce que quand vous êtes 10 personnes à envoyer dans la même localité, en passant par le système, nous, on a la possibilité de faire en sorte que les 10 personnes qui envoient individuellement, que ça puisse être un envoi groupé, donc pour réduire les coûts, et faire en sorte que ces envois, si les 10 personnes envoient chacun pour acheter du riz, et qu'avant, ils le faisaient individuellement. Là, on va pouvoir le faire de manière groupée, ce qui va permettre, par exemple, de pouvoir faire des achats groupés auprès des grossistes et donc de réduire le coût unitaire pour chacun. Très concrètement, la personne, par exemple, qui ne serait pas intéressée forcément par avoir des produits, avoir des denrées, qui voudrait avoir de l'argent, est-ce qu'elle bénéficierait à venir chez vous transférer son argent ou plutôt qu'aller dans des institutions qui sont déjà connues, qu'on n'a pas besoin? La question, il y a effectivement... Bon, pour moi, il y a des réponses à ça. Je vous écoute. D'abord, la première raison, on n'est pas là pour critiquer les concurrents, mais on est là pour dire qu'on n'est pas sur les mêmes problématiques. Donc nous, on est, comme j'ai dit, NextVision n'est pas créé pour créer une entreprise. NextVision est créé pour dire comment trouver une solution aux besoins de développement de nos pays. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, j'invite tous les Mauritaniens à dire que soutenez ces projets-là et réfléchissons ensemble comment, ensemble encore, ça peut nous apporter quelque chose. Parce que ce n'est pas les autres qui vont développer nos pays à nos places. C'est nous-mêmes qui devons le faire. La deuxième réponse. Et donc, ça c'est la première réponse que je donnerai. La deuxième réponse, c'est qu'en termes de coûts et d'accessibilité et de facilité, on est plus accessible que certains parce que... Parce que vous vous positionnez quand même sur des communautés villageoises, non, locales. C'est aussi en termes de d'accessibilité. Aujourd'hui, quand on voit, je ne veux, sans citer les concurrents, mais si je veux transférer de l'argent à travers les canaux classiques, ouais, il faut que je me déplace, il faut que d'abord j'aille un guichet, que je retire de l'argent, que je me déplace au moins 30 minutes à une heure pour trouver un bureau pour envoyer. Et puis derrière, il faut que je prenne mon téléphone pour appeler. Et quand on est dans un village comme moi, je suis originaire d'un village, il n'y a pas de représentants de ces organismes. Donc ça veut dire que j'envoie l'argent à 75 km Célibabi. Ben, aller chercher 150 euros à Célibabi, faire 6 heures pour aller, 6 heures pour retourner, je pense que le calcul, il est fait tout de suite, quoi. Ok, on va passer à la vers la dernière question, toujours, Nada. Toujours dans le cadre de l'économie solidaire, je rappelle que NX Vision est spécialisé en conseil et accompagnement de stratégies de croissance par l'innovation. Il me semble en effet que vous avez une approche purement champétarienne qui se traduit par le rôle majeur de l'entrepreneur dans l'innovation, donc pour la croissance économique. J'aimerais savoir, est-ce que dans les stratégies d'intelligence économique que vous proposez à vos clients, est-ce que vous intégrez les services écologiques? Ben, effectivement, Next Vision est partie d'un vécu de mon parcours et de mon expérience personnelle. Donc, je suis à la fois villageois, fils de paysans. J'ai eu la chance de faire des études supérieures. J'ai travaillé dans des entreprises innovantes, donc l'innovation. J'ai fait de l'intelligence économique. Donc, tous ces outils-là, je me suis dit, mais comment on peut les mettre ensemble pour contribuer à ce que nous cherchons tous, nous le disons tous, contribuer au développement de notre pays et de notre continent. Aujourd'hui, tout Africain, et je pense qu'on est affamé de ça pour dire ben, comment on va développer l'Afrique. Et donc, moi, c'est effectivement l'ensemble de ces outils-là qui sont à ma disposition aujourd'hui, mon expérience professionnelle, mon vécu. Et je dis, mais comment je peux les adapter, non pas avec une approche top-down, c'est-à-dire que imposer, mais avec une approche bottom-up, c'est-à-dire que aller du concret, de manière pragmatique, simple, mais avec des résultats tangibles. On prend 100 personnes aujourd'hui qui peuvent dire, 100 personnes qui envoient chacun 100 euros par mois, c'est 10 000 euros. On dit à ces 100 personnes, vous adhérez au système, on fait en sorte que ces 10 000 euros que vous envoyez pourquoi ? C'est pour acheter de l'alimentaire ? Mais on va faire en sorte qu'on ait une centrale d'achat et on va pouvoir permettre de payer directement auprès de cette centrale d'achat. On vous permet de réduire de 15% les coûts. Ces 15%, on vous dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à développer une société logistique de transport, de livraison ? C'est-à-dire que pour ravitailler la coopérative, vous allez pouvoir payer un véhicule de transport. Donc, vous allez payer une personne, vous allez salarier une personne qui va pouvoir ravitailler le stock. Donc, en envoyant votre argent pour soutenir votre famille, vous allez créer, donc la coopérative, vous allez employer des personnes pour gérer la coopérative, donc vous allez créer de l'activité. Vous allez payer une société de transport, vous allez acheter un véhicule de livraison pour ravitailler la coopérative, vous allez créer de l'activité. Et elle se développe, vous allez pouvoir créer des services connexes à ça. Voilà, nous, l'approche de dire que voilà un modèle de développement que Next Vision essaye de développer, en tout cas essaye de promouvoir, et auquel on fait appel à tous ceux qui veulent contribuer pour dire que nos actions, les uns et les autres, si on essaye de les mettre ensemble, voilà, donc, pour aboutir à quelque chose. Et l'outil, donc la solution de paiement ne serait qu'un outil pour sécuriser et comment dirais-je, faciliter tout ça. Basile, aujourd'hui, on sait que ce que vous venez de pointer là est en train d'être étudié de manière très universitaire et scientifique. Et aujourd'hui même, le journal Le Monde publie un entretien avec Pascal Dupas, qui est la lauréate d'un concours qui s'appelle le Cercle des économistes. Vous devez connaître. Et elle dit qu'elle privilégie plutôt la gratuité des actions, c'est-à-dire que ce soit des actions humanitaires, que ce soit c'est-à-dire que plus la population elle a des facilités, mieux elle s'adapte, mieux elle se développe. Moi, je veux savoir, est-ce que, selon vous, en tant qu'économiste, le travail des organisations humanitaires en Afrique et de Pan Agenda en Mauritanie, est-ce qu'elle a contribué à rendre les citoyens plus autonomes ou à des citoyens indépendants? D'abord, je ne suis pas économiste, même si je me suis beaucoup intéressé aux problématiques de développement parce que, comme je vous ai dit, j'ai complété ma formation par des sciences de gestion. Mais c'est mon background économique, c'est plutôt un praticien. Donc, pour répondre à votre question, je pense que la réponse est là. Je ne suis pas là à critiquer. Je ne dirais pas que les ONG n'ont pas apporté quelque chose, mais je ne pense pas qu'avec l'assistanat, on va pouvoir faire du développement. Donc, nous, l'idée, c'est de dire, effectivement, il y a un autre modèle, en tout cas, moi, c'est ce que je crois, un modèle de développement socio-économique qui ne soit pas de l'assistanat, parce que quand tu prends nos villages, moi, je suis de Guidimara, quand tu prends le nombre de villages soninkés où il y a des migrants, au minimum entre 50 et 100 migrants en France, ça se compte quasiment, on parle de 44 villages Guidimara, et ce n'est pas seulement, mais je prends un exemple. Hein. Mais quand on arrive dans ces villages-là, le nombre de les montants qui sont envoyés aussi bien par les migrants, parfois dont on ne connaît même pas, on parle des ONG, mais les migrants, ce qu'ils envoient, c'est beaucoup plus que les ONG. Mais quand on arrive sur place, quand on arrive sur place, on n'a pas de l'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas l'autonomisation. Et donc, je ne pense pas qu'avec l'assistanat, on va faire du développement économique. Impossible de faire du développement économique avec de l'assistanat. On parle de start-up, d'économie solidaire, mais surtout de NH Vision, entreprise qui vous permet de dématérialiser vos paiements et réduit des coûts de transfert via la mutualisation des coûts. Ibrahima Diabakaté, le président de NX Vision, est l'invité de Regard d'ailleurs. Dans un instant, Amadou Kane nous rejoint pour l'actu des réseaux sociaux. Maintenant, une diva de la musique mauritanienne. Elle est comme notre invité originaire de Guidimara. Sa musique traditionnelle et moderne à la fois nous transporte au cœur de notre culture. Voici Sira Dramé dans Guidimara. Vous écoutez RMI Info.com. Regard d'ailleurs. Ouais, écoutez. Kuti jilanyalam Sokonga yonti yohale Kuti jilanyal yombenye Sori sorti en yonchute Kuti jilanyal ala kuti jilanyal Kuti jilanyal ala kuti jilanyal Wai kuti jilanyalam Wai kuti jilanyalam Sokonga yonti yohale Kuti jilanyal yombenye Sori sorti en yonchute Vous écoutez Regard d'ailleurs sur rmiinfo.com. Dans un instant, notre invité Ibrahima Diabakaté, fondateur de Next Vision, répond au questionnaire. À l'instant, ça clique, ça like, ça tweet, c'est l'actu des réseaux sociaux avec Amadou Kane. Amadou Kane, bonsoir. Bonsoir, c'est Idou. Bonsoir les amis. Merci à vous qui nous suivez partout dans le monde grâce à la magie des réseaux sociaux. C'est parti pour une chronique très, très sérieuse. Oui, j'ai dit très sérieuse car apparemment celle que je vous ai pondue le mois dernier ne l'était pas du tout car je vous ai parlé de couilles de branle, ce qui a fait sourciller et basciller. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Juste après votre émission, mon patron Seydouane m'a envoyé un SMS me disant « prochaine fois, écris ta chronique en part ». Ponctuant sa phrase par un lol de colère. Oui, ça existe des lol de colère. Heureusement que Nada Waref était contente. Elle qui est à la fois notre mauresque et féministe, oui, elle détient à elle seule de représentativité sur notre échelle de quota de RA. Ça aussi, ça existe. D'après tout, cette émission est à l'image de la Mauritanie où tout est une histoire de quota. Bravo à toi, Seydouane, toi le bourgeois de service, d'avoir travaillé si dur pour nous rassembler tous au service de nos auditeurs qui se font le plaisir d'une fois par mois d'écouter notre élégante Seta Camara, la soniquée à moitié, qui prononce Ould à la place de Woul. Mais bon, c'est cet accent qui fait son charme. Bon, il faut que j'arrête aussi. Sinon, elle va finir par croire que je suis discrètement tombé sous son charme. Et je demande au passage que notre technicien me coupe ce passage de déclaration d'amour. Tiens, en parlant de lui, Christophe, dont on ne sait pas s'il est colombe ou juste amateur de l'herbe de la Colombie, le mystère reste entier. Cette émission ne serait pas ce qu'elle est sans moi, à Cannes, tout prétentieux que je suis. Il représente aussi les impertinents. Je ne finirai pas cette mise au point sans parler de notre réalisateur, le geek de service, Abdoulaye Sy, qui a du mal à s'intégrer dans nos débats d'intellectuels. Car là où on parle de la géopolitique de la littérature, il nous répond en pixel, en community management et j'en passe. Et il paraît qu'aujourd'hui, tu as une chronique très très très sérieuse à Modoukan. Oui, je vous avais promis une chronique très sérieuse ce mois-ci au risque d'être très ennuyeux. Aujourd'hui donc, bienvenue sur RMI, la radio en trois lettres, et l'actualité des réseaux sociaux en trois pages Facebook. Vu qu'il n'y a rien de croustillant à se mettre sous la dent, je me suis sérieusement plongé dans la toile pour faire un classement de pages Facebook les plus en vue en Mauritanie actuellement. Alors, parlons de ce classement si intéressant. J'en ai sorti trois et le number one de ce classement, c'est la page Facebook de Belloir Media qui, avec ses 40 000 fans et si on veut la 8e chaîne de télévision du pays, vous avez le choix de regarder la totalité des chaînes du pays en live. Bravo pour Belloir Media. Et ensuite ? Le numéro 2 de ce top 3 est la page Mauritanie, c'est son nom. Elle a la particularité de regrouper tous les coléreux de la République. On y retrouve pêle-mêle des infos politiques, sportives et people, mais des infos à prendre par des pincettes car ce site ou page est à la crédibilité ce que Oul Abdelaziz est à l'honnêteté en parlant de lutte contre la gabegie. Et pour la troisième place ? Et la numéro 3, elle est Cocorico et la page Regarde d'ailleurs, sans prétention. Bravo à nous, oui. Nous le sommes pas en termes de fond, mais plutôt par le contenu, car aujourd'hui, si vous voulez savoir ce qui se passe dans la diaspora mauritanienne, c'est la page RA qu'il faut visiter. Et on me dit que vous avez été plus de 10 000 à nous suivre le mois dernier. Bravo à nous, bravo surtout à vous, merci de nous avoir suivis. Et pour la, il y a une quatrième place où il n'y en a plus, Amadou Kane. C'est fini, c'est en top 3. Merci pour ce top 3. Merci à Amadou Kane qui distribue ses points comme il veut, qui il qualifie comme il veut. N'hésitez pas à réagir à sa chronique, à dire tout ce que vous en pensez, dit bien ou dit mal. Vous avez ce droit. Vous écoutez Regarde d'ailleurs sur rmiinfo.com. Seta Camara nous rejoint sur le plateau face à notre invité Ibrahima Diabakaté pour le questionnaire A. Rebonsoir Seta. Rebonsoir. Tu nous expliques le principe du questionnaire A. C'est pas compliqué. Il suffit de répondre à un maximum de questions en 2 minutes. Donc si vous répondez à une dizaine de questions, vous avez gagné. L'idée n'est pas d'avoir tort ou raison, mais de répondre simplement à un maximum de questions. On y va ? C'est parti. Parfait. Alors, quand est-ce que vous avez repassé des vêtements pour la dernière fois ? Vendredi. Ok. Très précis. Ouais. La reine d'Angleterre vient en Mauritanie. Quel est le lieu que vous le proposerez de visiter ? Guédémara. Où précisément, Guédémara ? Wampo. Très bien. Vous devez vivre sur une île déserte. Qu'amenez-vous avec vous ? Mon sac à dos. Qu'est-ce qu'il y a dans votre sac à dos, si c'est pas trop indiscret ? Provision. Quelle est la taille de vos chemises ? 42. Vous êtes plutôt Samsung ou Apple ? Apple. Combien de fois pensez-vous à la Mauritanie dans une journée ? 10 fois. 10 fois, ok. Quelle est la première qualité d'un entrepreneur ? Persévérance. Qu'êtes-vous prêt à sacrifier pour que la Mauritanie se qualifie et gagne la Coupe d'Afrique ? Mon soutien. C'est déjà beaucoup. Avez-vous été victime de racisme ? Si oui, dans quel pays ? Je crois pas. Êtes-vous plutôt thé ou zrig ? Thé. C'était questionnaire de cette Camara et puis notre invité s'y est plié bien volontairement. Merci d'avoir répondu au questionnaire. Monsieur Ibrahima Diabakaté, est-ce que vous avez un dernier ? Oui, je tiens d'abord à vous remercier et puis à parler des perspectives de Next Vision. Donc, les prochaines étapes de Next Vision, c'est le lancement de notre phase opérationnelle. Et dans ce cadre, nous sommes en pleine phase de recherche de financement. Donc, tout investisseur mauritanien qui serait intéressé à ce projet-là, la porte est ouverte, qu'on soit individuel ou investisseur professionnel. Donc, l'appel est lancé. J'espère que les Mauritaniens répondront très, très favorablement et très rapidement pour que ce projet puisse, cette entreprise puisse continuer à se développer et à servir le développement durable et l'économie solidaire, comme vous le dites. Et merci beaucoup à vous et bonne initiative. Encore bon courage. Merci. Merci d'avoir écouté Regarde d'ailleurs. Comme vous le savez, ça ne se termine pas car ça se poursuit sur la page Facebook que vous avez déjà likée. Regarde d'ailleurs sur rmiinfo.com. Vous trouverez également sur le site du même nom des sondages, des portraits et tout un tas d'infos sur la diaspora mauritanienne. Merci à Amadou Kane, notre chroniqueur aguerri qui qualifie de tout le monde tout ce qu'il veut. C'est son droit, c'est sa liberté. Merci également à Nadal Wakaf, à Basile et à Seta Camara. Merci à Christophe Albert et à Abdoulaye Sy pour la technique. Merci à notre cher invité, bien évidemment, Ibrahima Diabakaté. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je n'ai plus qu'à vous dire également merci, vous, chers auditeurs, qui nous écoutez en Mauritanie, au Sénégal, je ne l'ai jamais dit, en France et un peu partout dans le monde. Et à très vite.